potence dans le salon du gibier de potence dans le salon. Duel entre chasseurs de primes. Un humoré comme Clint Eastwood hold up sous le fil qui chante. Dans le salon, ça dégaine la même rengaine. Dans le salon, tout chéri, tout Cheyenne. Dans le salon, une fille qui danse. Un humoré comme Clint Eastwood hold up sous le dirigeant. Dans la ville,